And in the end, the love you take is equal to the love you make. Et oui, il a osé commencer avec les Beatles, et oui, et puis mordre largement sur la fin des 9h pour aborder avec rapidement les 10h. Merci à l'ami Michel pour ce prêt de Beatles. Abbey Road 69, certainement un des albums les plus aboutis, un des albums de la fin, si ce n'est le dernier, mais un album vraiment progressif comme vous avez pu le constater. Ah, et puis les Beatles sont à la mode à nouveau, puisque viennent d'être réédités l'album rouge et l'album bleu. C'était la façon de Bande à Part de montrer qu'ils étaient également les tontons devant le berceau du rock progressif. Abbey Road, et également, je vous conseille, si je puis, humblement, Sgt Pepper's, qui est vraiment aussi le premier concept album. Sans transition, nous passons à Banco. Banco, c'est une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté. C'est une réédition du premier album qui s'appelle Banco. C'est italien et c'est superbe. Banco sur le band, sur Bande à Part 90.7. Thank you. Voilà un petit Banco des familles, le premier album de 72 Banco, ça s'intitule de la même façon, Banco del Mutuo Soccorso pour être complet. Métamorphosie est le titre du morceau que vous venez d'entendre, un morceau phare, un morceau qui revient tout au long de la carrière de ce groupe prestigieux et progressif italien, Banco, voilà. On continue avec une réédition de 82, la réédition est d'aujourd'hui, mais l'album de 82, Rebecca, c'est allemand, une réédition de chez Musia, bien sympathique. Je pense que ça va vous faire penser à Renaissance, en tout cas j'espère que je pense bien. Pense de brebis farci, Rebecca. Thank you. nombreuses plaintes. L'administration de Saint-Agénor-sur-Siphon vient d'ordonner la démolition du moulin Mathieu. On sait que ce vieux bâtiment, abandonné depuis de nombreuses années, sert actuellement de refuge à une mule. À une multitude de rats qui accommodent le voisinage. Espérons que ces indésirables rongeurs... Sa Majesté, entre à 6-3, vous parle. Rat, rat, rat, vive le roi des rats, vive entre à 6-3. Rat Gérard, ô mes fidèles sujets, voici que s'étend devant nous une fertile vallée qui remplacera avantageusement les ruines du moulin Mathieu. Ce sera notre nouveau royaume de rats. Je vous donne l'ordre d'occuper tous les terriers que vous trouverez et d'en chasser les propriétaires. Rah, rah, rah, vive le roi des rats, vive entre six-trois. Opération ratisation, exécution. Voilà, après Rebecca Phoenix, c'est le titre de l'album, nous allons passer à une nouveauté, une véritable nouveauté, Landmark. Landmark, un groupe, encore un groupe météore de Clive Nolan, dira l'autre, un groupe qui vient de sortir son deuxième album, Infinity Parade, la parade de l'infini. Voilà, c'est très très beau et on fait un petit clin d'œil à André qui nous a permis d'écouter ce disque superbe, cette nouveauté du mois, Landmark. These rivers of gold I grew, panning silent simple quarters. The trinkets on my arms speak truth, stories of wealth in the swift waters. Distant mountains you bring, precious gold, our future with you. Amongst the grit and sand we sing, hands held.